89.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce mercredi 6 novembre 2019. Très content de vous retrouver ce soir après le méga grand spécial d'Halloween Mélomane de la semaine passée. On se cachera pas, un spécial de plus de 3 heures dans lequel je vous ai varlopé pas mal par moment. Ça demandait plus d'énergie à l'auditeur qu'à l'habitude. Donc ce soir, ça va nous faire du bien de revenir dans nos pantoufles d'un bon vieux varié format classique. Plein de belles musiques ce soir, plein de souvenirs et de découvertes ou de redécouvertes. Donc on commence ça tout de suite, pourquoi pas. Par contre, ça veut pas dire que ça va pas rocker un tout petit peu. À preuve, on débute ça avec The Who, 99.1 et 88.9 CFNJ. To get what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, but he couldn't help me either. They call me the Seeker. To get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker. To get what I'm after till the day I die. I learned how to raise my voice in anger. Never look at my face, ain't this a smile? I'm happy when life's good, and when it's bad I cry. To get what I'm after till the day I die. I won't get to get what I'm after till the day I die. Walking through the high seas, it's me, a captain. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus.

qui faisait partie du tout premier bloc de la toute première émission de Mélomanes, première mouture le 26 août 2015. On l'avait entendu avec Mon amour, mon ami. Donc, vous comprendrez que ça m'a fait un petit quelque chose quand on a appris la nouvelle cette semaine. Mais là, c'est avec un de ses plus gros succès qu'on l'a entendu, la magnifique Viens, viens de 1973, très dramatique, qui était précédé de quelques succès souvenirs. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais deux chansons qui ont le don de me transporter dans un passé lointain dès les premières notes. On a entendu Patrick Juvet avec Les Bleus au cœur de 1978, précédé par Saute-Mouton, pièce instrumentale de François Dompierre, un de nos compositeurs très importants du Québec, qui va travailler du côté pop des choses avec des artistes comme Louise Forestier, Claude Gauthier, Pauline Julien, les fameuses orchestrations aussi qu'a fait des pièces de Félix Leclerc. C'est lui qui va arranger Le Tour de l'île et Mon fils, originellement, entre autres. Mais il va aussi travailler, composer du côté classique avec l'OSM sous la direction de Charles Dutoit à l'époque. Angèle Dubois va lui commander en 1981 un concerto pour violon. Il va aussi composer de la musique de films à profusion. On lui doit entre autres le fameux film, la musique, pardon, du fameux film Les Cyniques X-13, Le Matou, Le Déclin de l'Empire américain, quelques autres films de Denis Arcand aussi, dont Jésus de Montréal, entre autres. C'est aussi lui qui va faire la musique du film Kenny. Il y en a sûrement qui se rappellent du fameux petit gars amputé des jambes et du bassin qui a su marquer l'imaginaire de plusieurs. Je me souviens, la petite fille où je me faisais garder l'appelait le petit gars qui fait pitié. Que voulez-vous? La vérité sort de la bouche des enfants. Et la pièce qu'on a entendue, nous, c'est Saute-Mouton, va finir par être reprise par le chef d'orchestre allemand James Last, dont on risque de reparler tantôt. Et sinon, Kate Bush, qu'on n'avait jamais entendu à l'émission encore, en 1978-19, si je ne me trompe pas, une bébite complètement unique. Jeune prodige que David Gilmour de Pink Floyd va découvrir quand elle a à peine 16 ans et qui a pourtant un démo de plus de 50 chansons déjà à 16 ans. Wuthering Heights, qui va faire partie de son premier album 2 ans plus tard, l'album The Kick Inside en 79, qui va connaître un énorme succès. D'ailleurs, la pièce Wuthering Heights est basée sur le roman classique, la période gothique d'Emily Brontë. Les Hauts de Hurlevent, en français, va connaître un succès fulgurant, tellement qu'encore aujourd'hui, à chaque année, plusieurs groupes de gens de partout dans le monde, des fans de Kate Bush, bien sûr, se réunissent dans plusieurs pays différents pour reproduire la fameuse chorégraphie que la chanteuse, faisait dans le clip de la chanson avec sa robe rouge. Et tout ça amorcé par The Who en 1970 avec The Seeker. Et nous, on y retourne avec un beau classique de Paul Simon, 99 ans et 88.9, CFNJ. Couple in the next room, bound to win a prize. They've been going at it all night long. Well, I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln Duncan is my name, and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend, and I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes, headed down the turnpike for New England, sweet New England. Confidence, holes in the knees of my jeans. I was left without a penny in my pocket. Ooh-wee, I was about destitute as a kid could be. And I wished I wore a ring so I could hawk it. I'd like to hawk it. The young girl

I said, what am I supposed to do now? Goodbye, Blackberry Way. I can't see you. Et encore sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9, toujours à Mélomane, à mille lieues de notre grand spécial d'Halloween la semaine dernière, où je vous ai varlopé pas mal. Ce soir, c'est le contraire, je vous cajole un peu, mais ça nous empêche pas de se promener en masse, comme avec le gros classique instrumental qu'on vient d'entendre, The Lonely Shepherd de 1977. Une pièce qu'on associe souvent, avec raison, à George Zamfir, qu'on associe, lui, à la flûte de Pan. Mais c'est au sein de l'orchestre de James Last que tout ça s'est passé originalement. Donc, composition de James Last, qui va être réutilisée à toutes les sauces, dont remise au goût du jour dans le film Kill Bill de Tarantino de 2003. On a aussi entendu un groupe britannique dont je vous ai déjà parlé à l'émission, probablement en vous parlant de Jeff Lynne, fondateur du Electric Light Orchestra, qui a fait partie de ce groupe-là au début de sa carrière. On a entendu The Move avec un de leurs plus gros hits, Blackberry Way de 1968, qui était précédé d'un autre groupe que vous connaissiez sans doute, une formation du nom de The Beatles. Mais la chanson, vous la connaissiez peut-être pas pour certains d'entre vous, du moins. C'en est une qu'on entend moins souvent, soit I'm Only Sleeping, composition de John Lennon de 1966 du mythique album Revolver. Première chanson, si je ne m'abuse, où on peut entendre la guitare jouer à l'envers, plutôt enregistrée à l'endroit. Ensuite, on joue les bobines à l'envers. Pour ce qui est de la voix, je crois que ça va être sûr, ça va me revenir. Bref, ça c'était pour la guitare. Aussi, une magnifique chanson de Vashti Bunyan, une autrice compositrice qui, en 1970, va sortir un album qui connaîtra pas aucun succès. Ça va la décourager. Elle sortira pas un autre album avant 2005. Et pourtant, pendant tout ce temps-là, son album de 1970 contenait des petits bijoux comme ce qu'on a entendu, Diamond Day, de l'album presque du même nom, Just Another Diamond Day, qui va devenir un classique méconnu, un cult classique, comme on dit en chinois. Et tout ça amorcé par un superbe extrait d'un premier album solo pour Paul Simon en 1972, après avoir mis fin à son duo Simon & Garfunkel avec l'histoire de Duncan, chanson que Michel Rivard va reprendre beaucoup plus tard en 2004, une chanson aussi où on peut entendre la flûte péruvienne, chose à laquelle Paul Simon avait déjà touché sur sa reprise du classique péruvien, si je ne m'abuse, El Condor Pasa, sur le dernier album Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel. Et nous, ben, on change de son un peu, on y va d'un groupe qu'on dit responsable d'avoir ramené la guitare en Angleterre, au moment où le synthétiseur domine complètement dans les années 80. D'ailleurs, on dit parfois que c'est eux qui auraient donné sa naissance à la musique dite alternative. Mais bref, l'important, c'est que c'est bon. On écoute The Smiths, 99.1 et 88.9 CFNJ. Your eyes. Oh, ask me.

assez intense, comme vous pouvez vous l'imaginer, qu'il faut écouter une fois dans sa vie. Brel va enregistrer toutes ses chansons en une seule prise, avec un demi-poumon en moins. Donc, intense, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ni plus ni moins le testament de Brel. Et sinon, complètement autre chose, juste avant, on était avec le groupe anglais New Wave, le très original XTC, avec pas mal leur plus gros hit en carrière, Making Plans for Nigel de 1979, une chanson dont je vous conseille aussi la version de Primus sur Michelina's Debris de 92. On a aussi entendu Patrick Watson, que j'ai eu la chance d'aller voir hier avec ma douce Sissima et ma Joliette. Un phénomène, ce Patrick Watson, la visite rare, même si il est Montréalais, on en a profité quand même. C'est rare qu'il vienne à Joliette. Magnifique spectacle, j'en entendais pas moins. Et nous, on l'a entendu ici avec une très belle chanson en français de 2010 qui s'appelle « Je te laisserai des mots ». Et juste avant, probablement une influence pour Patrick Watson, justement, l'étoile filante qui a été le seul et unique Jeff Buckley, qui est malheureusement décédé très jeune. Vous le connaissez peut-être pour son seul, mais ô combien un excellent album, Grace, sur lequel il a été le tout premier à avoir la bonne idée de reprendre l'Alléluia de Leonard Cohen, avant que ça devienne malheureusement presque cliché de la reprendre. Lui, c'est le premier à le faire en 94, bien avant tout le monde. Et en plus, sa version est facilement une des meilleures. Mais il y avait plein d'autres magnifiques chansons complètement uniques sur cet album-là, dont So Real, entre autres. Je vous conseille vraiment cet album-là. Mais nous, on a entendu quelque chose de plus rare de lui, qui est sorti de façon posthume en 1998, une chanson du nom de Vancouver, qui suivait The Smiths avec Still Ill, version John Peel Session, sorti en 84 sur une compilation du nom de Madful, Hatful of Sorrow, si je ne m'abuse. Puis nous, ben, sans aucune raison, on recule dans le temps, on se promène comme ça, considérablement dans les années 1969, en fait, au 99.1 et 88.9 CFNJ. On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques. Écrasé de certitude dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace et le silence me répond. Oh, Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie, génie. Et je crois en Dieu. Et je crois que

day. And love lies bleeding in my hand. Oh, I can't. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Ça sert à quoi de faire semblant de rire? Ça m'amuse pas de voir partir. J'en mourrai pas, j'ai l'habitude des plaisirs qui ne durent pas. Ça sert à quoi de taire mes soupirs? Je m'ennuie déjà, j'ai peur du vide. J'en mourrai pas, j'ai l'habitude, ça me déchire encore une fois. J'ai le cœur qui meurt de faim, je tremble, je compte les heures, mais je me retiens de t'attendre. Ça sert à rien, je connais déjà le chemin entre l'ombre et la lumière. J'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main quand j'ai eu à traverser le désert. La lune monte, moi je tombe. Ça sert à quoi? Pas besoin de me mentir. Tu pars pour ne plus revenir. J'en mourrai pas. J'ai l'habitude, j'ai vu le pire. Que ça, j'ai le cœur qui meurt de faim, je tremble, je compte les heures, mais je me retiens de t'attendre. Ça sert à rien, je connais déjà le chemin entre l'ombre et la lumière. La lune monte et moi je tombe. La lune monte, monte. Mais ça me sert à quoi? Ça sert à rien, je connais déjà le chemin entre l'ombre et la lumière. J'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main quand j'ai eu à traverser le désert. Tienne la main quand j'ai eu à traverser le désert. La lune monte. Toujours en plein mélomane sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec une magnifique reprise acoustique d'une chanson originalement popularisée par Marie-Carmen en 92 sur album 93 pour le single « Entre l'ombre et la lumière », ici habillée de somptueuses harmonies auxquelles nous ont habitués les sœurs Boulay, accompagnées de Safia Nolin, pour un magnifique arrangement à trois voix en version acoustique, qui suivait un classique méconnu d'Elton John, qui nous fait presque du prog avec l'intro de son album double Goodbye Yellow Brick Road de 1973, soit Funeral for a Friend, suivi de Love Lies Bleeding. Je vous dis prog et j'exagère à peine, si je ne m'abuse, Dream Theater a déjà repris ce duo de chansons d'Elton John. Chanson qui ici suivait, pourquoi pas, Fugain et son Big Bazar avec les gentils, les méchants, qui apparaissaient dans le film mettant en vedette Pierre Richard, Je sais rien, mais je dirai tout, la même année en 1973. 71, juste avant, avec le groupe Chicago dans la force de l'âge, avec un doublé qui concluait originalement leur album double Chicago 3, The Approaching Storm, suivi de Man vs. Man, The End, Chicago, qui, on l'oublie souvent, fut à une époque un groupe qui laissait pas sa place, qui rockait assez solide. D'ailleurs, on a pu entendre Terry Catt à la guitare, un des guitaristes très appréciés, Dendrix, de son vivant. Excellent guitariste qu'on oublie trop souvent et qui, malheureusement, va finir dans un accident assez stupide d'une histoire de roulette russe qui a mal tourné. C'est très triste parce que Chicago était pas mal à son meilleur du temps de Terry Catt. Définitivement un nom à retenir dans le panthéon du rock. Et tout ça qui a commencé dans un extrait de la version française de la très renommée comédie musicale Hair. Laissons entrer le soleil avec un tout jeune Julien Clerc. En 1969. Et nous, ben, on s'en va juste un petit peu plus tard, en 71, avec un bel instrument qu'on appelle le dulcimer, dont savait jouer à merveille Joni Mitchell au 99.1 et 88.9 CFNJ. The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave it, Carrie, but it's really not my home. My fingernails are filthy, I've got beach tar on my feet, and I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage. A bottle of wine, and we'll laugh and toast to nothing and smash our empty glasses down. Let's have a round for these freaks and these soldiers, a round for these friends of mine. Let's have another round for the bright red devil who keeps me in this tourist town. Come on, Carrie, get out your cage. I'll put on some silk. I'll put on some silk. Oh, you're a mean old ass. I'll go to Amsterdam, or maybe I'll go to Rome, and rent me a grand piano and put some flowers around my room. But let's not talk about fare-thee-wells now. The night is a starry dawn, and they're playing that scratchy rock and roll beneath the mantle of moon. Come on, Carrie, get out your cage. I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave you, but it's really not my home. Maybe it's been too long a time since I was scrambling down in the street. Now they got me used to that clean white linen and that fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage.

soupirs fébriles parfumés au menthol. Ma débile mentale fait teinter le métal de son zip. Et Narcisse, elle pousse le vice dans la nuit bleue lavasse de sa paire de Levis. Arrivée au pubis, de son sexe corail écartant la corolle, prise au bord du calice de vertigo, Alice s'enfonce jusqu'à l'os au pays des malices de Lewis Carroll. Absente, Iris, absinthe, babydoll, écoute ses idoles. Jimi Hendrix, Elvis, Presley, T-Rex, Alice, Cooper, Lou Reed, les Rolling Stones, elle en est folle. Là-dessus, cette Narcisse se plonge avec délice dans la nuit bleu pétrole de sa paire de Levis. Elle arrive au pubis et très cool au menthol. Elle se self-contrôle son petit orifice. Enfin, poussant le vice jusqu'au bord du calice, d'un doigt sexe symbole s'écartant la corolle. Sur fond de rock'n'roll s'égare mon Alice au pays des malices de Lewis Carroll. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Avec son côte en minou bleu, son foulard rouge, son béret noir, était comme un bouquet frileux au milieu de la patinoire. Moi je patinais sur la bottine, était-ce elle qui m'éblouissait? Était-ce le décor qui glissait? J'avais les jambes en gélatine, je n'en croyais pas mes rétines et j'en perdais tout mon français. Le vent emporta son béret et déploya ses longs cheveux. Elle dut marquer un temps d'arrêt et j'eus le temps de faire un vœu. Que son béret vole jusqu'à moi, que je puisse mieux voir sa frimousse, que je me porte à sa rescousse, qu'on se regarde avec émoi, en souhaitant que le vent me pousse, moi qui patine comme une oie. Le béret soufflé dans les airs semblait ne plus vouloir tomber. Je patinais tout de travers en le voyant se dérober. Était-ce le hasard qui voulut faire preuve de haute précision lorsque j'entrais en collision avec la belle chevelue exécutant pour l'occasion un acrobatique salut? Étendu parmi les étoiles, foudroyé à 2 minutes près. Quand le vent releva le voile et fit retomber son béret, me suis perdu dans ses yeux d'ange pendant un instant heureux, comme lorsque l'on tombe amoureux, ce moment de curieux mélange où tout est tellement doucereux que vraiment rien ne nous dérange. Toutes ces fées sur qui l'on tombe et dont le secret nous attire, qui nous font l'effet d'une bombe et qu'on laisse pourtant repartir. Dans des circonstances nébuleuses, sans même de contact établi, et qui glissent vers notre oubli, parmi nos amours en veilleuse, sur des patinoires remplies de toutes ces belles patineuses. Thank you. Toujours à Mélomane qui déjà s'achève sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Mais on va prendre le temps de regarder ce qu'on a entendu dans ce dernier bloc, encore une fois très disparate. Ça s'est terminé avec un classique de Deep Purple Mark II, époque Ian Gillan, guitare de feu de Ritchie Blackmore, avec Lazy en 1972, qui suivait un Plume la Traverse. Comme vous l'avez peut-être jamais entendu, on oublie souvent que Plume a justement une plume magnifique. Personnellement, je trouve qu'on relègue un petit peu trop souvent au rayon des rustres personnages un peu vulgaires, Monsieur Plume la Traverse. Mais il sait écrire, et on a pu constater dans la magnifique chanson Les Patineuses de l'album Chansons Nouvelles de 1994, quand même assez tard dans sa carrière, une chanson qu'on fera sûrement rejouer à l'occasion à l'émission d'ailleurs. Et parlant de texte, on a entendu Gainsbourg nous faire les variations sur Marie-Lou de son album culte, l'album concept L'homme à tête de chou de 1976, ce qui est une chose assez rare sur disque, de partir d'une seule strophe comme ça et d'en faire des déclinaisons sur elle-même pendant 7 minutes. C'est quand même assez intéressant comme procédé quand on prend le temps d'écouter, quand on est dans le mood, évidemment, aussi. Et tout ça amorcé par cette chère Joni Mitchell avec Kerry, tiré de son magnifique album Blue de 1971. Et c'est là-dessus qu'on se laisse déjà pour ce soir. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 20h, pour un autre épisode de Mélomane. Et moi, ben, je vous laisse avec une légende du sax, une légende du jazz, au sein de son quintet. On écoute Julian alias Cannonball Adderley au 99.1 et 88.9 CFNJ. Bonne nuit. Merci.